Alors, c'est pas le sujet que je veux développer. Concerne ce que je peux appeler la psychologie de l'opinion. Qu'est-ce que ça fait chez l'homme? Qu'est-ce que ça défait chez l'homme? C'est une extension, c'est une continuité, si vous voulez, aux autres conférences maison qu'on a fait dernièrement où on a discuté de la notion. Les hommes, à cause de leur psychologie, à cause de leur tempérament, à cause de leur caractère, se dévoilent constamment aux autres Et c'est très mauvais pour un homme de se dévoiler à un autre homme. La raison pour laquelle les hommes se dévoilent aux autres hommes, c'est parce qu'ils sont insécurs. Et leur insécurité les force, sans qu'ils s'en aperçoivent, par des mécanismes émotionnels, à créer, à projeter un portrait dans leur relation sociale, un portrait qui peut leur convenir ou un portrait qui ne peut les convenir. Pour qu'un homme se dévoile à un autre homme, il faut qu'il puisse dévoiler ce qu'il veut et non être dévoilé. Il ne faut pas qu'un homme, dans sa relation avec un autre homme, soit pelé comme une pelure de patate ou une pelure. Il ne faut pas qu'il soit pelé dans son dévoilement. Il faut qu'il se dévoile selon ce que lui veut. Et à ce moment-là, ce n'est pas un dévoilement, c'est simplement une projection d'une certaine impression qu'il veut que la personne absorbe pour telle ou telle raison qui fait partie de son intelligence à lui. Et malheureusement, les hommes ont tendance à se dévoiler, et ceci est très mauvais parce que les hommes étant ce qu'ils sont, les hommes étant inconscients tels qu'ils le sont, lorsqu'une personne se dévoile à une autre personne, cette personne automatiquement, d'une façon ou d'une autre, prendra avantage de celle qui se dévoile éventuellement. Mais pour ne pas se dévoiler à l'homme, il faut se comprendre très bien. C'est-à-dire qu'il faut être suffisamment centrique et suffisamment intelligent pour ne pas avoir besoin de l'autre homme. Ce qui fait que les gens se dévoilent à d'autres gens, c'est que les hommes ont besoin des hommes. Et quand je dis que l'homme doit en arriver à ne pas avoir besoin de l'homme, je ne veux pas dire que l'homme doit en arriver à ne pas avoir besoin de l'homme sur le plan humain. Je dis que l'homme doit en arriver à ne pas avoir besoin de l'homme sur le plan émotif. Et tant que les hommes auront besoin de l'homme sur le plan émotif, automatiquement, ils auront tendance à se dévoiler et automatiquement, cet autre homme se servira de ce dévoilement éventuellement à son avantage. Et c'est une situation que l'on retrouve couramment dans le jeu entre les hommes à tous les niveaux de la société et dans toutes les expériences possibles et imaginables du genre humain. La raison pour laquelle l'homme doit apprendre à ne pas se découvrir, ce n'est pas pour la simple raison ou pour le simple jeu de ne pas se découvrir, mais c'est pour en arriver un jour à perdre le moins d'énergie possible. Parce que lorsqu'on se découvre un autre homme, on perd de l'énergie parce que c'est l'énergie émotive qui nous fait nous découvrir à l'autre et c'est l'énergie émotive qui automatiquement nous rend vis-à-vis l'autre responsable de ce que nous avons été dévoilé. Mais lorsque l'homme est centrique, lorsque l'homme est conscient, lorsque l'homme est dans son intelligence, il perd petit à petit la capacité de se manifester émotivement. Et plus il perd cette capacité de se manifester émotivement, moins il souffre de l'homme. Et il y a toute une mécanique là-dedans. Ne pas souffrir de l'homme, c'est très important pour un homme conscient, parce que un homme conscient, c'est un homme qui appartient, qui possède une autre conscience, c'est-à-dire qui possède une autre intelligence et qui éventuellement possède un système nerveux totalement transformé. Et lorsque un homme possède un système nerveux qui est totalement transformé par la conscience, ce système nerveux doit être constamment protégé. Et le seul être qui peut protéger son système nerveux, c'est l'homme lui-même. Ce n'est jamais l'autre homme. Les hommes ne pourront jamais vous protéger au niveau de votre système nerveux. Ce sera vous, selon votre intelligence, au cours des années, qui pourrez vous protéger au niveau de votre système nerveux. Et plus l'homme se conscientise, plus le système nerveux est affecté et affectable par l'extérieur. Plus le système nerveux peut prendre une certaine dose d'énergie et à un certain moment, plus il est capable et il est obligé de refuser une certaine dose d'énergie. Il y a certaines vibrations qu'on peut absorber quand on est conscientisé et il y a certaines vibrations qu'on ne peut pas absorber quand on est conscientisé. Et les vibrations qu'on ne peut pas absorber quand on est conscientisé, on apprend à les repousser au fur et à mesure qu'on apprend à ne pas se dévoiler à l'homme. Et quand je dis qu'on apprend à ne pas se dévoiler à l'homme, je parle d'une façon très universelle, je ne parle pas d'une façon catégorique, je parle d'une façon universelle et je dis que ceci fait partie intrinsèquement de la psychologie, de la conscience supramentale, de la sixième race de l'homme. Les hommes devront, avec le temps, apprendront avec le temps à se créer une sorte de muraille, non pas une enveloppe, mais réellement une muraille qui sera tellement épaisse que les hommes qu'ils rencontreront ne pourront pas percer cette muraille. Et à cause de cette impossibilité à l'homme de percer cette muraille, ces hommes pourront vivre leur vie sur le plan matériel, selon la teneur de leur système nerveux et ne pas souffrir de l'homme. Plus on se conscientise, plus on souffre de l'homme. Parce que les vibrations, le différentiel vibratoire qui existe entre l'homme conscient et l'homme inconscient devient tellement grand, tellement évident, qu'après un certain nombre d'années, on s'aperçoit que l'homme de la sixième race, l'homme qui va vers la conscience supramentale, est un être qui devient de plus en plus doué de certaines facultés psychiques, est un être qui sort de plus en plus de la sphère de la psychologie humaine et automatiquement qui doit éventuellement se nourrir de sa propre énergie. Et pour qu'il se nourrisse de sa propre énergie, il ne doit pas être affecté, il ne doit pas être abruti par l'homme. Et tout ceci se contient à l'intérieur du principe que l'homme doit apprendre à ne pas se découvrir à l'homme. Mais il faut bien comprendre ceci. Quand je dis que l'homme doit apprendre à ne pas se découvrir à l'homme, je ne veux pas dire que l'homme doit apprendre à être cachottier ou que l'homme doit apprendre à cacher certaines choses ou que l'homme doit cesser de communiquer avec l'homme. C'est pas ça. L'homme apprend quand il se conscientise à savoir quoi dire et à savoir quoi pas dire. Et plus on est conscient, plus on apprend, plus on sait quoi dire, parce que plus on est conscient, plus on sent la vibration de ce que l'on dit. Et plus on est capable de réaliser dans une instantanée que ce que l'on a dit n'était pas juste, alors automatiquement nous a permis, inévitablement, de nous dévoiler à l'homme. Et ceci va très loin. Parce que un homme qui a de plus en plus de conscience, qui est de plus en plus centré, qui est de plus en plus dans son intelligence, devient tellement perfectionné dans les mots que tous les mots dont il se sert pour parler avec l'homme sont une projection dans l'esprit de l'homme. Donc, les mots dont il se sert pour parler sont pour projeter dans l'esprit de l'homme quelque chose, mais ne servent pas à lier cet homme à lui pour des raisons émotives. Si l'homme veut lier l'homme à lui pour des raisons mentales, c'est une chose. Si l'homme veut lier l'homme à lui pour des raisons de plan de vie, c'est une chose. Si l'homme veut lier l'homme à lui pour des raisons d'évolution à l'intérieur de ce plan de vie, c'est une chose. Il le sait. Mais il ne lance pas des mots dans l'esprit de l'homme qui sont à son insu. Des mots qui n'appartiennent pas à son mental, mais qui appartiennent à son intelligence affectée par son émotivité. Et c'est ça le danger. Vous avez des expériences dans la vie. Par exemple, un jour, vous entrez dans un bureau, vous rencontrez un homme d'affaires qui est assis dans son fauteuil, à l'aise. Il a une certaine sécurité psychologique. Et vous entrez vers lui, vous allez voir pour du travail ou quoi que ce soit, et vous vous apercevez que c'est pas lui qui parle, c'est vous. Il vous fait parler. Et au bout de 5 minutes, sur de votre personnalité. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça vous enlève d'abord le pouvoir de la parole, ça vous enlève ensuite la capacité d'éteindre dans l'esprit d'un homme ce qu'il pense de vous, parce que aussitôt que vous parlez avec votre émotivité, vous créez dans son esprit un portrait robot de ce que vous êtes. Et même si ce portrait robot ne convient pas parfaitement à ce que vous êtes, ce portrait robot devient une manifestation psychologique de votre mental et de votre émotion, et c'est avec ceci qu'il vous jugera dans vos activités. Autrement dit, vous perdez toute intimité de votre être. Et comme vous perdez toute intimité de votre être, vous lui permettez à cet homme de porter sur vous un certain jugement quelconque qui convient à sa façon de voir les choses. Et automatiquement, vous êtes dérobé vous-même d'une position d'intelligence vis-à-vis de la sienne qui devrait, au lieu de vous enlever quelque chose, qui devait vous permettre d'aller chercher quelque chose. Et un homme qui rencontre un homme dans la vie, un homme qui est conscient, un homme qui est dans son intelligence, et qui rencontre un homme dans la vie, pour quelque motif que ce soit, ne peut pas rencontrer un homme dans la vie pour rien. Si on rencontre un homme dans la vie pour rien, on perd son temps. On perd son temps pour deux raisons. On perd son temps parce que si on est moindrement intelligent, cet homme va s'intéresser à soi, et il va nous forcer à perdre de l'énergie. Et si on a moindrement de succès dans la vie, cet homme va chercher à travers notre succès de se tailler une place pour que lui-même puisse avoir une certaine sécurité matérielle. Alors, d'un côté ou d'un autre, on perd de l'énergie. Et c'est très difficile à l'homme moderne, l'homme du 20e siècle, de se mettre dans la tête et de bien comprendre la nécessité que dans la vie, on ne rencontre pas quelqu'un pour le simple plaisir de rencontrer quelqu'un. Ceci fait partie de la psychologie instable de l'homme moderne. Ceci fait partie... Et quand je dis de la psychologie instable de l'homme moderne, il me vient une vibration pour expliquer ceci. Si vous retournez au 19e siècle, au 18e siècle, mais allons au 19e siècle, durant cette période où il y avait encore en Europe, dans les grandes familles américaines, ce qu'on appelait le sang aristocratique, les aristocrates ne rencontrent pas n'importe qui. Et n'importe qui ne peut pas, ne pouvait pas dans ce temps-là même adresser la parole à ces gens. Alors, un homme dans ce temps-là qui adressait la parole à ces gens-là pouvait être repoussé dans la vie. Et au niveau de la conscience humaine, ce n'est pas aussi drastique, ce n'est pas aussi social, ce n'est pas aussi inconscient. Mais le principe de fond demeure. Et ce qui établit le principe de fond, c'est la conscience supramentale même. Si un jour vous en arrivez à être dans l'intelligence, vous verrez que l'intelligence, lorsqu'elle est dans l'homme, lorsqu'il y a union entre l'intelligence universelle et l'homme, ce n'est pas l'homme au niveau de son ego